l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kaina Samet. Passez une bonne soirée, un bon début de semaine, une nouvelle semaine qui ouvre avec Kaina. Salut. Je suis super content de te retrouver. Mais moi aussi. Bah voilà. Ah bah regarde, tellement content qu'on a coupé le micro. Ouais, j'ai dit, moi aussi, tu peux même pas savoir. Bah voilà, on est en plus à un mois de la sortie de l'album. Ouais. Donc c'est un gros Planète Rap, puisqu'on va découvrir, alors on découvrira pas tout l'album, hein, mais... Ouais. Quelques morceaux. Quelques morceaux, ouais, bien quelques sûr. Quelques titres inédits. Faire découvrir aussi à ceux qui les ont pas écoutés les morceaux qui ont déjà été envoyés. Et des morceaux qu'on peut acheter dès maintenant, c'est-à-dire que si on précommande l'album tout de suite, ouais, les morceaux arrivent aussi. C'est ça aussi la nouvelle du jour, c'est que l'album est en précommande aujourd'hui. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui c'est un jour important pour moi. C'est le début voilà, d'un long mois qui va t'amener jusqu'à la sortie le 23 juin. Le 23 juin, ouais. Cet album qui s'appelle Thug Wife. C'est ça. Qu'on va découvrir, on va en parler évidemment. Mm-hmm. On va revenir sur tout ton parcours. Kaina, il y a plein de choses à dire évidemment. Et bah tiens, en parlant de parcours, est-ce qu'on réécouterait pas un petit peu quelques morceaux? On a essayé de compiler un petit peu quelques morceaux qui vont certainement te rappeler plein de choses. Ouais, c'est sûr. Et aux auditeurs de Skyrock aussi, Kaina Samet, c'est elle. Voilà, petit aperçu de Kaina, on a évidemment pas pu tout mettre. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Bien, c'est il y aura un autre medley d'ailleurs qui sera préparé dans la semaine, je crois. Ouais, où on va pouvoir survoler l'album avec des extraits en fait. Mm-hmm. Donc ça c'est bien de pouvoir un mois avant faire découvrir un peu tous les univers que j'ai pu explorer sur ce prochain album, voilà. Bon, et quand tu réécoutes les morceaux là dans le medley, il y a des souvenirs particuliers. Tu fais un bilan un petit peu de ta carrière à chaque fois avant de retourner en studio. Franchement, jamais. Je me retourne jamais. Je redécouvre à chaque fois les titres et je suis dans une espèce d'avancée. Je me pose pas vraiment de questions. Je fonctionne à l'instinct en fait. Tu te réécoutes beaucoup? Non, justement, je me réécoute pas. Jamais. Je fais un gros travail en studio. Je suis assez exigeante envers moi-même et envers ceux avec qui je travaille. Et à partir de là, c'est bon, mon taf il est fait. Quand je sors du studio, j'ai confiance quoi. Bon là concrètement, un mois avant la sortie, on en est où? L'album est fini, ça y est, ça c'est sûr. Ah ouais, l'album ça, il est fini, il est bouclé depuis quelques jours déjà. Donc ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Précédemment, il y avait eu À Cœur Ouvert. Mais on va dire que ce projet, il est encore plus important pour moi parce que c'est le présent et parce que j'ai mis énormément d'énergie et j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, je suis... Donc 2 ans de boulot. Deux ans de boulot. De doute parfois, de stress, de bonheur. Ouais, forcément. Mmh. Franchement, beaucoup de bonheur parce que on va dire que voilà, parfois on n'a pas, je sais pas, c'est pas la vie qu'on veut pas, mais comment dire. On a des périodes où on a besoin d'être rassuré par des choses Et moi, c'est l'aspect musical et professionnel que m'apporte la musique qui m'apporte une stabilité et voilà quoi. Il y a un enthousiasme dans mon équipe, voilà, je travaille avec des gens que j'aime, avec des, enfin, c'est que du bonheur pour moi, ouais, de faire de la musique. T'es bien, t'es, voilà. Voilà, exactement. Ça me coupe un peu de la bulle, voilà, de la vie qui va vite et voilà, qui s'enchaîne avec tous les événements qu'il peut y avoir. Moi, je me réfugie dans la musique, c'est un peu comme mon exutoire. Et comme on a l'habitude de dire que je suis une chanteuse à émotion, on va dire, c'est vrai que j'ai ce besoin d'être au plus proche de mes émotions pour la faire retranscrire au mieux, en fait. Bon, on a eu quelques extraits pour l'instant. Il y a deux morceaux qui sont sortis. Alors, de Thug Wife. Il y en a trois. Trois, depuis, oui, trois. Aujourd'hui, voilà, il y a Mon Paradis, qui est un titre qui est sorti, dont le clip est sorti aujourd'hui à midi sur ma chaîne YouTube. Et je te cache pas que j'ai passé la journée, la gorge un peu nouée, parce que j'ai reçu plein de messages. C'est un morceau qui parle de mon papa qui est parti trop tôt, comme toujours. Et voilà, j'ai pas voulu faire un morceau larmoyant, triste, au possible. Tu vois, je voulais plutôt que ça soit un souvenir heureux des moments que j'ai pu avoir dans l'enfance avec lui, etc. Donc je reçois plein de messages et franchement, c'est assez bouleversant. Donc je remercie tous les gens qui ont relayé l'info aujourd'hui et le titre est disponible sur iTunes. Et sur ma chaîne YouTube pour voir le clip que j'ai eu la chance de faire en Espagne dernièrement. Et voilà, il y a une pureté à l'image, il y a une pureté dans le morceau et je suis fier de redémarrer avec ce titre, en fait. Et bon, on va l'écouter, ce morceau, il s'appelle Mon Paradis, je disais, donc trois titres de sortie, enfin aujourd'hui trois titres de sortie. Voilà, il y a aussi Bousillé qui est sorti juste après No Money en featuring avec Soprano. Qui va certainement passer dans la semaine aussi, donc forcément c'est la force. l'écrivain Soprano, d'ailleurs, ouais, qui a son livre qui est sorti aussi dernièrement le 9 mai, il me semble. Tu l'as lu? Je te cache pas que voilà, ça fait temps. mais je compte bien le lire et je le recommande parce que je connais son cœur, je connais la personne qu'il est et ça peut être que quelque chose de positif, je pense. Bon, c'est les trois morceaux en tout cas que l'on connaît pour l'instant autour de cet album. Voilà. On va essayer d'en découvrir un peu plus cette semaine. Cette semaine, ouais. Il y aura un medley justement de titres inédits. On débute avec Mon Paradis, puis on continue à en parler de cet album, de toute cette vie pendant ces deux ans autour de cet album. Vos messages, vous les balancez aussi avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Et on débute donc avec ce morceau qui s'appelle Mon Paradis. Dans mon rêve, j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille. Et je pensais pouvoir toucher les étoiles là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Parfum, repose en paix, repose en paix. Ils me diront, c'est la nuit dans la vue d'or. Chaque sapin de Noël, être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Ta voix qui s'éveille. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Parfum, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie dans la vue d'or. Un beau jour le paradis s'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester forte. Parfum, repose en paix, repose en paix. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste. ta voix qui résonne. J'ai rêvé que je te serre dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront si la vie t'en a plus tôt. Un beau jour le paradis tourne ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix. Voilà, ce morceau s'appelle Mon Paradis à l'instant. Ouais. Avec un clip qui va avec, les images sont magnifiques du clip. Hein. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est, voilà, y a, même si évidemment le sujet est délicat, douloureux, ouais. y a de l'optimisme. C'est cool, c'est ce que je voulais parce que voilà. Et surtout quand on regarde le clip. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le clip est prenant, ça me fait plaisir, Fred. J'encourage tous ceux qui ont aimé le morceau à aller voir le clip. Comme je disais, on est parti en Espagne avec Benjamin Capelletti, que je remercie, et voilà quoi, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Voilà. La chanteuse à émotion, Kaina, encore frappée avec ce morceau qui s'appelle Mon Paradis. Ça va, c'est vrai que tu l'assumes en fait, chanteuse à émotion. Oui, parce que c'est comme ça que je ressens les choses. Et il n'y a rien de téléphoné, il n'y a rien de robotisé, d'automatisé. Tu vois, c'est toujours le cœur, quoi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de vivre l'émotion pour être au plus juste en fait. J'essaie d'être la plus vraie en fait. Tu nous disais l'album qui sortira donc le 23 juin, c'est carrément un mois avant la sortie. Ouais. De la chance de t'avoir un mois avant la sortie, qui s'appellera Thug Wife. Ouais. C'était quoi le déclencheur, le fait de retourner en studio, de se dire bon, faut qu'il y aille là. C'est déjà l'enthousiasme qu'il y a eu autour de À Cœur Ouvert. Ça m'a permis de retourner en studio, de me retrouver à nouveau dans la créativité, on va dire. Et voilà, la rencontre avec aussi des compositeurs, Soprano aussi que j'ai recroisé en cours de route, et surtout mon équipe 6ix9ine, Karim et Nabil, que je remercie, et sans eux, je serais pas là, parce que c'est vrai que les gens achètent nos albums, c'est nous sur la pochette, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et moi, c'est super important pour moi qu'ils soient là, et voilà quoi, j'en profite pour les remercier pour leur travail. Et puis l'album s'est construit de fil en aiguille en fait. Je recevais des prods. Vraiment, je l'ai fait à l'instant. T'as bossé avec qui sur les prods de... J'ai bossé avec une équipe belge, Street Fabulous. Street Fab, exactement. Oz et Amir et mon pote One Shot qui a fait Bousier aussi, que je remercie. C'est vraiment des prods de ouf, et voilà, certainement sur le prochain projet je vais retravailler avec eux. J'ai bossé aussi avec Akos, qui a fait la prod de Mon Paradis entre autres. Tilali Laloum. J'ai bossé. C'est qui Tilali Laloum? C'est un nouveau producteur? Alors c'est un nouveau producteur belge. Ah ouais, pas mal, Tilali Laloum. Tiens, voilà. Pendant que ça te revient un petit peu justement, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai. Je sens qu'il y a de l'émotion avec avec ce retour, il y a un truc particulier. Donc c'est normal que Tilali Laloum arrive. Voilà. Non, je voulais juste, pour s'aérer un petit peu, te dire que voilà, il y a évidemment tous les gens, toute ton équipe qui bosse avec toi et qui t'ont certainement donné beaucoup de force. Et puis les gens, toute la team Kaina Samet, regarde par exemple, on est 1, 2, 3, 4e en TT. D'accord, ok. Au top TT. En TT. Je sais pas si c'est un truc qui te touche particulièrement, mais veut dire au moins. Les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux savent que je suis hyper active. D'ailleurs, il y a une grosse partie de l'équipe qui est là, et c'est le moment de vous exprimer, les mecs. Vous êtes là? Ouais. Et on est même 3e, ça n'arrête pas de monter, ça continue à monter. Le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Kaina Samet sur Skyrock, c'est le moment de tous ceux qui me soutiennent, qui me disent putain, mais ta voix elle déchire, mais pourquoi on t'entend pas plus, machin, nanan. Et le soutien, c'est maintenant, j'ai envie de dire, toi. Et c'est un bon slogan, tiens. Ouais, t'as vu. Ça serait pas mal, ouais. Ça peut fonctionner. Le soutien, c'est maintenant. Le soutien, c'est maintenant, parce que c'est vrai que c'est pas malheureux à dire, mais Kery James était venu à mon précédent Planète Rap à cœur ouvert, et il avait pris quelques minutes pour parler de ça, mais c'est vrai que les artistes, pour exister, ont besoin vraiment du soutien des gens, donc faut y aller quoi. L'album est là, il est pour vous, et ça me fait super plaisir de pouvoir enfin le partager. Et on peut le précommander dès maintenant, allez-y. En plus, vous recevez le morceau Mon Paradis, c'est ça? Si on précommande, vous l'avez tout de suite, le titre. Exactement. Donc c'est plutôt bien. Donc écoute, c'est le morceau avec Sopra aussi qu'on peut récupérer tout de suite. Ouais, carrément. Et allez-y. Il y en a 3 pour l'instant, et l'album. L'album fait 12 titres. Franchement, je me suis pris la tête, et donc et il va falloir le prendre. Voilà. Bon, on écoutera le morceau avec Sopra dans un instant. Ok, c'est bon. Et là, on se met un petit son de Chris Brown. Allez, Chris Brown, Lil Wayne et Taiga sur le morceau. Et on retrouve Kaina Samet juste après. C'est notre invité toute la semaine. C'est Planet Rap. 21h sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Kaina Samet. Il y avait le son de Chris Brown à l'instant, Taiga et Lil Wayne. Ça va faire plaisir à ma petite sœur Karima qui est fan de Chris Brown. C'est vrai. Regardez, là, je fais un gros bisou, ouais. Eh ben, on fait un bisou à la frangine. Voilà, voilà. Qui est à l'écoute. Kaina, ça arrive le 23 juin. Voilà, Thug le 23 Wife. Juin. Voilà, c'est Thug Wife. Mm. Le morceau Mon Paradis qu'on a écouté tout à l'heure est sorti aujourd'hui, le clip. Et on le remettra d'ailleurs tout à l'heure, on le remettra en fin d'émission, ouais. Voilà. Il est dispo sur iTunes aussi. Et voilà, je voudrais remercier tous les gens qui envoient des messages. J'ai vu passer le message de Akos, tu déchires mon pote. Et tout à l'heure, j'ai cité les producteurs. Je t'ai demandé le producteur et on s'était arrêté sur le producteur Talali Adalam. Voilà, Tilali Laloum. Tilali Laloum, pardon. C'est pas le même. C'est pas le même, c'est un autre. Mais il y en a un autre. C'est encore un autre. Donc il y a Alvio, il y a G, il y a Beatsfreaks, Trafic Musique, Jackar et Explosive. Donc autant dire, voilà, plein de. Donc il y a du monde. Il y a du monde, mais voilà, c'est selon mon inspi, quoi. Je recevais plein d'instrus et sans regarder qui avait fait quoi. Quand t'étais en studio il y a deux ans, justement, tu disais quoi? Il faut que j'aille sur une sonorité particulière. T'avais une idée je te laissais aller, en fait, dessus? Non, je me suis pas laissé aller, vraiment. J'ai voulu faire des thèmes encore plus précis et des morceaux encore plus parlants d'eux-mêmes, quoi. Je voulais pas faire des choses... pas banal, mais une fois que j'avais un thème, je voulais vraiment rentrer dans les profondeurs du thème et essayer vraiment d'attraper l'émotion la plus juste sur chaque titre. Donc ça donne des morceaux comme J'ai prié par exemple, ou Mon paradis, qui sont des titres vraiment forts et en émotion, on va dire. C'est une partie de toi, ouais. Ouais, carrément. Et il y a ça aussi sur l'album, où il y a aussi parfois... Il y a d'autres choses. Il y a des belles petites surprises, des choses que j'ai, que je suis partie dans des univers où je suis pas forcément allée avant. Mais voilà, j'estime que quand on est un artiste, il faut se laisser évoluer aussi et pas se dire, ah bah tiens, parce que j'ai ce genre de morceau a bien plu, je vais, voilà, c'est vraiment l'instinct et je suis partie dans d'autres univers, vers d'autres horizons musicaux, mais tout en gardant, voilà, ma patte et ce qui fait que c'est moi, quoi. Eh ben, on va découvrir ça le 23 juin, évidemment, pour la sortie de l'album. Cette semaine aussi, dans Planet Rap. On aura un MD, c'est Force Mike, qui s'y collera d'ici demain, je crois. Ouais, voilà. À partir de demain, on va pouvoir survoler l'album avec des medleys exclusifs. Ouais, avec des extraits, donc, vraiment des morceaux qui sont pas sortis, quoi. Eh ben, des extraits. Bougez pas dans un instant, on mettra le morceau avec Sopra, par contre. Ouais, carrément. Celui-ci, il est arrivé, il y a aussi de l'image autour de ce morceau. Ouais, il y a un clip aussi qui est dispo, et donc, c'était que du bonheur de... Bon, Sopra, c'est... Sopra, c'est une crème. Non, mais c'est surtout une longue amitié, vous deux. Ouais, c'est vraiment. Bah écoute, il était déjà dans les escaliers, dans la cage d'escalier d'Écorché Vive. Ouais. Si vous l'avez pas vu, il y a Sopra dans les escaliers. Et dans donc, le clip. Dans le clip. Ouais. Ouais. Parce qu'on se dit, quels escaliers? Oui, les escaliers du clip. Les escaliers du clip. Pas en bas de chez moi, voilà. Et c'était en 2005 déjà. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est la famille, c'est le cœur. Et on se ressemble beaucoup. Là, on s'est vu dernièrement, enfin, pour les albums des psychiatres, enfin l'album des psychiatres. Donc j'ai fait un titre sur la version originale de l'album des psychiatres, qui était 4D, et sur la réédition, on a fait un autre titre qui s'appelle Pour nous deux. Et donc ouais, Sopra, c'est le cœur, et voilà, on travaille ensemble sur ce projet, donc je suis super contente. Mais on en parlera plus. Bah demain, il vient, c'est ça, demain. Dans la semaine, je sais pas encore quel jour il doit passer. Après-demain. Mais soyez à l'écoute. J'ai dit une connerie ou quoi? En tout cas, si tu fallait pas que je dise. Pas un gros bisou. Non, j'ai absolument rien dit. Que je dise. Bon, il viendra vendredi. Voilà, comme ça. Non, mais par contre, vendredi va se passer un truc mortel et que voilà, je suis contente d'annoncer. Ah oui, parce que ça, on en a pas parlé. Ouais. Et il est grand temps à 20h17 de dire un mot là-dessus. Voilà. Ça, c'est une super idée. Ouais. T'es arrivé avec une idée, tu m'as dit. Il y a encore une autre idée qu'on vous donnera dans un instant. Tu vas filer ton portable. Ouais. C'est-à-dire que tellement besoin d'être assuré qu'il faut appeler Kaina toute la soirée. Vous allez bombarder de messages. Vous allez l'appeler toute la soirée. Elle va décrocher. Ouais, j'ai un numéro de téléphone spécial. On va le donner dans un instant. Ok, ça marche. Non, je veux juste que tu parles de la super idée. Ouais, de la super idée. Ouais. Alors, ma super idée, tu l'as dit. Donc, il est 20h18. Et donc, en fait, je lance un concours ce soir sur mon Facebook officiel. Donc, si tu chantes bien, que tu sois un mec, une meuf, petit, grand, gros, mince, on s'en fout. Peu importe. Il faut que tu te filmes en chantant Mon Paradis, donc le titre qui est sorti aujourd'hui. Et moi, je regarderai toute la semaine les vidéos des uns et des autres. En intégralité ou juste un petit bout? On va dire un couplet, un refrain, c'est bien. Ouais, parce qu'après, si tu peux taper tout le monde. Oui, c'est vrai. Un couplet, un refrain, c'est bien. Et moi, je commenterai toute la semaine sur mon Facebook. Et ici, on pourra en parler. Je te dirai ce que j'ai reçu, etc. Et vendredi soir, je vais sélectionner quelques personnes, les meilleures d'après moi. Tu vois, je vais faire mon petit jury. Et donc, on va chanter ensemble Mon Paradis en live vendredi. Dans l'émission. Dans l'émission, ouais. Eh ben allez-y, faut carburer vite, là, faut envoyer dès ce soir. Ouais. Tous à vos téléphones, à vos iPads, attrapez votre maman dans la cuisine, là, dites-lui qu'elle vous filme en train de chanter Mon Paradis. Et faites des clips, je sais pas, sur une machine à laver, un truc. Non, mais c'est vrai que voilà, ça va être sympa pour moi, agréable, et je vais pouvoir partager ça avec tout le monde, donc c'est cool. Donc N'hésitez Mon Paradis, pas. Le morceau, on peut trouver les paroles aussi quelque part? Alors les paroles quelque part, très bonne question. Écoute le morceau et apprends-le par cœur. Vous n'avez pas pensé aux paroles? C'est vrai. Mais tu peux venir travailler avec nous, Fred. Parce que t'as des bonnes idées à 20h19. Il va falloir mettre les paroles sur la page. Je vais les poster. Et ben voilà. Quand je vais annoncer le concours tout à l'heure, je vais poster les paroles. Très bien. J'y mettrai idée de Fred Musa en scène. Merci, ce serait sympa. Merci, ce serait très sympa. Donc alors attention, vous enregistrez un couplet, un refrain. Voilà. Vous envoyez à Kaina. Exactement. Tu décides et vendredi vous êtes dans l'émission dans Planète Rap. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ah ben moi je dis c'est royal. Je suis super chaud. Allez-y. Voilà. Moi je suis originaire de Nice à la base. D'ailleurs j'embrasse tous les Niçois, les Niçoises qui m'écoutent. Et j'ai commencé juste dans ma, tu vois, j'écrivais des petits mots dans ma chambre. On est tous partis de rien entre guillemets. Donc si t'es dans ta chambre et que t'as une belle voix, on sait jamais, tu vois, ça peut donc, être. Donc mec, nana, peu importe. Ouais. N'importe qui, tant qu'il chante de ouf, et voilà, il y a du talent en France, on le voit dans tous les télécrochets qu'on voit, etc. Donc je pense que ça va faire un super live. Eh ben allez-y en live avec Kainad en direct dans l'émission, ce sera vendredi. N'hésitez pas à poster avant jeudi hein, quand même. Ouais, avant jeudi. Faut speeder. Faut speeder, ouais. Et dans un instant, on écoutera le morceau avec Soprano. Bougez pas, on revient après ça avec Kaina Samet. Yes. Kaina Samet a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Kaina Samet, notre invité. Ouais, c'est entre vrai. Entre 20h-21h. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, je sais. On a oublié quelque chose juste avant la pub. On vous a parlé de ce grand concours lancé par Kaina. Vous enregistrez un couplet, un refrain du morceau Mon Paradis. Vous l'envoyez à Kaina et les meilleurs d'entre vous seront le vendredi dans l'émission pour chanter avec toi en direct. Exactement. Et il y a une adresse internet pour envoyer, parce qu'on n'a pas filé tout à l'heure l'adresse internet pour envoyer vos vidéos. Voilà, pour envoyer vos vidéos. Donc c'est Jeu Concours Kaina Samet. Donc jeu au singulier. Concours. Bon, avec un S, mais ça, c'est normal. Kaina Samet, @gmail.com. K-O-N, K-O-U-R-S, E, concours. Un concours, il y a toujours un S. D'accord, non. Vas-y, fais la bonne adresse. J'étais très forte en orthographe. Donc, jeu au singulier, concours Kaina Samet, donc tout attaché en minuscule, je précise tout, @gmail.com. Envoyez-moi vos vidéos donc de votre interprétation de Mon Paradis et je ferai une sélection tout au long de la semaine et vendredi... On sera plusieurs à chanter Mon Paradis en live. De toute façon, on va mettre l'adresse nous aussi sur les réseaux sociaux là, sur Planète Rap. Moi aussi, je vais la relayer. On va relayer évidemment cette adresse si vous n'avez pas bien noté. Voilà. Et l'instru donc de Mon Paradis, elle sera en ligne ce soir sur ma chaîne YouTube officielle en fait, pour que vous ayez l'instru et pouvoir chanter dessus. Donc là, je pense qu'on a tout. Là, on a tout. Ouais. Dans un instant, Kaina vous file son numéro de portable. Ouais, c'est vrai. C'est ton numéro de portable. Tu vas le filer. Ouais, je vais le filer. Pour être en contact avec les gens. Bah ouais, c'est cool. Avec ta team. Voilà. Il y a une partie de la team qui est là d'ailleurs dans le studio. Ouais. Hein. Ils sont beaucoup, hein. Bah, ils sont très calmes, c'est calme, hein. Voilà, elles sont là et c'est l'équipe des pouces bioniques. C'est comme ça qu'on nous appelle. Montrez vos pouces, les mecs. Montrez les images, Momo, s'il te plaît. Ouais. Attention, Momo. Mais attends, recommencer parce que tant que Momo aille sur les images sur Skyrock.fm, il en a pour 2 heures. Vous le voyez, le pouce bionique. Voilà, ça tweet. Voilà. dur, le pouce bionique. Bon, les images, c'est sur le Skyrock.fm comme chaque soir entre 20h et 21h. On va écouter le morceau avec Soprano dans un instant. Et là, on accueille Nora de Montluçon. Salut Nora. Salut. Ça va bien ma petite Nora? Ça va bien et toi? Bah ouais, je la connais Nora, je l'ai vue. On a fait une rencontre à Montluçon et plein de monde. Super. Ça faisait plaisir. Et Nora était là. Salut, Nora, j'ai entendu kicker. Ah d'accord, super. Bah, parce écoute, que ça toi en plus, tu voulais des nanas et qui chantent ou qui rappent, non? Bah ouais, je voulais changer un petit peu pendant ma semaine, me faire plaisir, essayer de faire découvrir des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est vrai que c'est Planète Rap, je kiffe le rap, mais c'est toujours agréable d'entendre des voix et voilà. Ah, elle par contre a rap noir. Il y a pas de souci. Comme c'est la première de la semaine, ça passe. Mais carrément. Et si vous voulez chanter dès demain, pareil, hein, vous envoyez un SMS au 41 759. Nora, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Tu connais évidemment Kaina. Oui, je connais. J'écoute ses sons et j'ai kiffé le clip Mon Paradis. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Nora. C'est cool. De rien. Allez, on t'écoute rap M Nora. C'est parti. Session freestyle. D'accord. Par téléphone. Ouais, moi c'est Nora, au cas où tu me connais pas, tu me fais ma présence rare, je m'en fous si ça te fait pas. Quand bien t'es chaton, tu t'as après toi, j'ai fait de la merde. Et quand je prends ton son, tu me fais du défilé. Comme un animal, tu me marques mon territoire. Je sais mes fonds et tes petits, c'est mon pourboire. Passe-moi le mal, c'est mon de la sono. Laisse-moi quitter sur Skyrock, de toute façon, je t'ai pas sonné. Je suis pas une artiste, mais je sais me débrouiller. J'ai avec les moyens du bord pour qu'on ne voit pas couler. Tu me rappelles que tu écoutes, tu dirais que je suis dopé. Non, je suis OP, les coups, tu vas même voler sauter. Je fais une croix sur toi, si tu me détestes. Pour non, on met des amers pour les mavets, c'est peut-être un jour. Je serai dans la presse en attendant, profite de la vie, le temps, passe à une vitesse. Je laisse pas ma place, on m'a dit que le taf ça paye. Après tout, on verra bien où tout ça me mène, tous ces regards. Tu cherches à me descendre, y'a de la haine, je vous ai fumé. Vos projets sont plus de descendre, mais je m'en tape. Je suis venue prouver que l'espèce féminine était capable de lâcher. Ici, ça critique, alors que ça connaît pas. Toi-même, tu sais, Lou, cette phrase, elle est pour toi, tu sors mon nom. Sans savoir qui je suis, c'est pas sur Twitter, dans les conseils que j'ai suivis avant de parler. Il faut savoir la scène, si parler est ta seule occupation, on va te jeter dans la scène. Il y aura toujours des gens qui parleront. Le rap, c'est pour les mecs, je suis venue changer le discours, j'ai pas de label. Mais je rêve d'en avoir. Non, je ne fais pas la belle, tout ça, ça n'a rien à voir. Ok, Nora de Montluçon à l'instant, yes. Freestyle. Mortel, Nora. Eh ben, merci à toi, Nora. Merci à vous merci. De m'avoir permis de passer. Eh ben, tu reviens quand tu veux. Rappelle un peu les adresses où on peut te suivre sur le net, Nora. Vas-y. Alors, mon Facebook, c'est Nora-Musique. Sur Instagram, Nora Musique. Sur Twitter, Nora Musique. Voilà, Nora super. Musique. Eh ben, bon courage pour la suite. Je fais des dédicaces. Vas-y, vas-y, Nora, vas-y, vas-y. Donc, je fais une grosse dédicace à ma famille. Une dédicace à AirPod Musique, au VSP. Dédicace à Nino, Pierre, Alper, Fiona, Naïma, Yul, Lou, Juju, Lucie, Anaïs, Elodie, Maureen, Eva, Léna, Mélis, et à tous ceux qui m'écoutent. Et un gros big up à Kaina Samed, continue, c'est lourd ce que tu fais. Merci beaucoup. Bonne continuation voilà. À toi. Et merci. À bientôt à Montluçon, Nora. On se retweet. On se retweet, t'inquiète pas, on se heurte. On reste en contact. Et je te fais des bisous et bon courage pour la suite, Nora, et t'embrasse tout le monde. Merci, comme à bientôt. Bon courage, à bientôt, à merci plus. Nora. On va écouter le morceau avec Sopra maintenant. Ouais. Et juste après, on vous file le portable de Kaina. Voilà. Parce qu'on va quand même le faire sonner en direct dans l'émission. Ah bah attends, faut que il est là, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Il est là, c'est alors petit portable noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Scred. Scred. Dans un instant, ce numéro de téléphone, enfin le portable va sonner d'ici quelques minutes, juste après le morceau avec Soprano qu'on retrouve sur ton album et qu'on peut télécharger dès maintenant. D'ailleurs, si vous téléchargez maintenant l'album Thug Wife de Kaina, vous avez le morceau avec Sopra aussi tout de suite. Voilà, tout de suite. C'est le moment jamais d'y aller, d'aller cliquer. Et on l'écoute avec Soprano sur Skyrock, Kaina Samet. Trouver la paix, je veux garder le moral. Mais cette vie m'a épuisé. Il est temps que je me taille. Kaina sur Sky. Des billets sous l'oreille. Des gens dans leur démon crier. J'ai pas le temps. J'ai plus la force. J'ai pas d'argent. besoin de monnaie. Tous les jours inquiété par l'état, besoin de monnaie. Quand le ventre crie, difficile de le baïonner. Surtout quand c'est celui de mes héritiers, mes bébés. Quand la CV d'un footeur pour mes projets. Fatigué de toujours encaisser, que déranger. Ici tout va mal, blasé de la life. Besoin d'une péridurale pour que tous mes rêves puissent accoucher. Ma couleur de peau, mon soif, mon adresse. M'ont souvent fermé les portes, des lits de faciès. Toujours voulu dans les poches, des liasses de l'espèce. Afin de pouvoir mettre à gauche, remplir mes assiettes. Mais les années défilent et là je suis épuisé. J'ai perdu l'espoir de voir mes chaînes brisées. J'ai perdu la force de croire à mes heures de gloire. Je veux pas qu'on puisse me voir Hey, l'album c'est Thug Wife. Le 23 juin. J'ai besoin de canaliser, besoin de canaliser, besoin de me réaliser. Mais la vie m'a épuisé. À l'instant, c'est extrait de l'album Thug Wife qui sort le 23 juin. C'est dans un mois. Je le dis bien parce que c'est pas la semaine prochaine, c'est dans un mois. Ouais. Donc, mais on peut le précommander maintenant. On peut le précommander aujourd'hui. Donc ça, c'est l'info du jour. Ouais. Et n'hésitez pas. Voilà, l'album est lourd. Et voilà, le genre de morceau qu'il prouve, le morceau avec Sopra, vraiment, c'est un morceau plein d'énergie. Et voilà, c'est une des couleurs de l'album. Il y a aussi des couleurs comme Mon Paradis qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Et qu'on remettra d'ailleurs dans un instant. Et qu'on remettra tout à l'heure aussi. Et voilà, c'est un album qui part dans tous les sens, mais voilà, qui est le mien. Et toujours avec ma patte, toujours avec ce qu'on apprécie ma voix sur divers featuring ou mon premier album Entre et deux jeux. Et aussi. Aussi à cœur ouvert. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, l'écriture. L'écriture, alors... bah, justement, tout à l'heure, Nora, que je remercie d'avoir appelé, rap aussi. Et moi, j'ai rappé aussi. C'est vrai. Donc on a d'ailleurs le son. Ouais ouais, ben j'imagine. Mais donc je vous le passerai dans la semaine. Ah bon? Bah écoute, un freestyle de Kaina qui ne s'appelait pas Kaina d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Quand tu rappelles. Ouais ouais. Je m'appelais Volupté. Pas mal. C'était Volupté. Ouais, c'était Volupté. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais sérieusement, ouais, Volupté. J'étais à fond dans mon délire. Franchement, ouais. Et, Volupté. Donc quand c'est tu kickais. Ouais, c'est un ami qui m'a dit putain, mais ta voix elle est douce et en même temps elle est rocailleuse. Je sais pas, rien à voir, mais c'était ça mon blaze. Et franchement, j'étais à fond. J'écrivais des 16, des 24, des morceaux en entier. En fait, j'étais Laurie Neal dans ma tête. Et tu pourrais faire un album comme ça, rapper un peu ou pas kicker? Franchement, c'est pas que j'ai perdu, mais aujourd'hui on dirait que je kick en chantant, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc non. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que. Tout un album, non. Tout un album, morceaux, non? Ouais, franchement, un 16 sur un morceau, pourquoi pas, tu vois? J'y ai pensé pour l'album, d'ailleurs, on sait toujours pas si je l'ai fait ou pas. C'est vrai. Voilà, l'album sort le 23 juin. Volupté est de retour. Aïe. Peut-être que le 23 juin, Volupté sera de retour. Il rigole, là. Vous-même, vous savez. Bon, eh ben, nous aussi, on en saura plus. T'inquiète pas, cette semaine. Écoute, on aura toutes les infos. Franchement, j'assume tout. J'avais une rage de fou. Bien sûr. Il fallait que je lâche tous mes chakras dans la musique. Et depuis, voilà, j'ai évolué, j'ai chanté. On a tous eu des blases, des têtes. Vas-y. Époque, lâche-nous un dos, Fred. Non, c'est pour toi. C'est la semaine. C'est ta semaine, c'est pas ma semaine. Non, par contre, toi, lâche-nous ton numéro de portable, s'il te plaît. Ah ouais, avec donc plaisir. À partir de maintenant, ouais. Vous pouvez joindre directement Kaina. Alors, je sais pas si tu auras le temps de répondre à tout le monde. Alors, je vais pas répondre à tout le monde parce que j'ai une vie dans la vie réelle, tu vois. Est-ce qu'il est branché le portable? Qu'on voit si ça commence ouais. à sonner. Il est allumé. Bah, il peut pas sonner parce que j'ai pas donné le numéro. On a activé. C'est quel réseau? On a le droit de le dire, le réseau? Bah ouais, on a dû. Non, juste pour savoir, c'est parce qu'ici tout passe pas. Ah bah, ah ouais. Celui-ci passe, c'est très bien. Et en plus, voilà quoi. Donc, c'est le numéro de téléphone est le 06 66. C'est trop bien de faire du suspense, je me prends pour Benjamin Castaldi, tu vois. Tu sais qu'on met un morceau et donner après la suite ou pas? Ouais, une pub, comme dans, tu vois, les programmes frustrants. 06 66 31 bah, 31 92 et le reste après. Voilà. Alors vas-y, 06 66 31 92. 06 66 31 92. On vous donne le dernier tout à l'heure. Ah, s'il y en a un qui arrive à trouver, c'est drôle qu'il y en a un qui arrive à trouver tout de suite le numéro. Voilà, le défi c'est trouver le dernier numéro. Trouver le dernier numéro et faites sonner le. Et faites sonner. Ici en direct dans le studio, on a le studio, il est là. Voilà. Il y a une sonnerie ou c'est vibreur? Sonnerie, donc on va savoir. J'ai mis la sonnerie, ouais. Alors 06 66 31 92. Ouais. Allez-y, essayez de trouver le numéro, en tout cas vous le filez dans un instant. Le temps d'écouter Bousillé. Le temps d'écouter Bousillé, ouais. Allez, c'est parti, on écoute Bousillé. Ça aussi, c'est un extrait d'album qui sortira. Ouais. Ah, ça sonne ? Attends, vas-y, décroche, Kain. Attends, sonne, voir si. Quelqu'un qui a trouvé le numéro ? Ah non, c'est. Non. Ah, c'est toi qui faisais une connerie ! Ah, c'est toi qui faisais la connerie ! Parce qu'elle a le dernier. Bon, faux départ. Tes copines, Kaina. Ah ouais. Voilà qui. Ça, ma grande amie. Grande amie qu'elle a et qui faisait une connerie. Quel numéro, quel dernier chiffre. Voilà, exactement. Bon, là, on peut mettre Bousillé. Allez, c'est parti. Allez, go. Bousillé. Il avait les mots. Sous le charme, à dessous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme. Il était mon héros, héros, héros. J'ai masqué les bleus sous le mascara. J'suis tombée de très haut, très haut, très haut. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Bousillé, bousillé, bousillé. Il m'a bousillé, il m'a bousillé. Bousillé, bousillé, il m'a bousillé. C'est fini. Je ne me laisserai plus jamais faire. Bousillé, bousillé, bousillé. L'album, c'est le 23 juin. C'était lui ou moi, je voulais, c'est trop tard. C'est pas mon Roméo, méo, méo. J'ai perdu du poids, je faisais peine à voir. De morale à zéro, zéro, zéro. J'aurais pu m'enfuir, j'avais le choix. D'arranger mon ego, ego, ego. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau. Qu'un jour il en vienne à me tuer. Bousillé, bousillé, bousillé. Il me bousillé. Bousillé, bousillé. Il me bousillé. Oh, oh, Kaina, sur Sky. Il m'a bousillé. Bousillé, bousillé. C'est Skyrock et c'est. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, je te jure. Allô? Bousillé à l'instant, c'est. Faut que t'enlèves le casque, sinon ça passe pas. Ah ouais, excusez-moi. Allô? Ah. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Attends, si, ça tourne. Allô? Kaina est en train de prendre. On a lancé un petit concours là juste avant le morceau bousillé, si vous arrivez à l'instant. Tu as filé les premiers chiffres de ton numéro de téléphone portable. Ouais. Le numéro auquel tu vas essayer de répondre ce soir, tant bien que mal. Ouais. Au moins au message, on en était à 06 66 31 92. 92. Mais donc, ça a sonné, donc je sais pas si, comme ça passe mal dans le studio, je pense qu'il y a des gens qui ont Oui, ça passe mal dans le studio, je pense, parce qu'il y a eu quelques essais depuis tout à l'heure, donc il y en a qui ont Regarde, tiens, ça continue. Ouais. Ça décroche. Bah vas-y, décroche si quelqu'un dit allô. Ah, le suspense est à son paroxysme. Bon, alors vas-y, file-le maintenant. Alors, le dernier numéro, c'est le 44. 44. Donc voilà. 06 66 31 92 44. C'est ouais. ça, hein? Ouais, ouais, c'est ton ça. Numéro de téléphone, allez-y, vous pouvez bombarder de messages. Voilà, jusqu'à la sortie de l'album, je vais l'avoir sur moi, je vais répondre quand je peux répondre, je vais envoyer des messages quand. Ah, c'est parti. Ça sonne, bah c'est parti. Tu veux décrocher? Ouais, pourquoi vas-y, pas. Vas-y, décroche en direct. Ah, c'était classe, hein? Ouais, ah, c'était classe. Kaina, notre invité dans Planète Rap. Allô? Ah. Allô? L'attendant? Oh, salut, tu vas bien? Ouais, cool. Elle s'appelle il ou elle s'appelle comment? Alors, c'est une fille, comment tu t'appelles? Mélissa. Ouais. Mélissa, tu es en direct aussi à l'antenne, écoute, bienvenue. Tu nous entends là dans le studio? Tu nous entends? Fais du bruit pour Mélissa. Alors, c'est quoi? Hein, mais oh, il y a des doubles appels. J'adore ma chanson, j'ai tu déchires, merci beaucoup. T'as noté le numéro? 0666. Envoie-moi un message avec ton numéro de téléphone, comme ça je t'envoie un album dédicacé. C'est la première. Ah bah voilà, c'est la première. Avec plaisir. 06 66 31 92 44. Merci, Mélissa, pour joindre Kaina. 06 66 il y aura même des Mélissos. Il y aura des Mélissos, il y aura tout. Avant de se quitter, on finit avec le morceau magnifique qui est arrivé. Enfin, le clip est arrivé aujourd'hui. Ouais, le clip est arrivé aujourd'hui. Il s'appelle Mon Paradis. Ça arrête pas de se ouais, voilà. Tu vas être bien toute la soirée. Ouais. Et allez voir les images justement de ce morceau très touchant, Mon Paradis. Merci, merci Fred. Ouais. Non, c'est un super morceau. Vraiment, je crois que ça touche évidemment toi directement, mais ça peut toucher forcément plein de monde parce bien que. Bien sûr, bien sûr. On perd toujours des êtres chers un peu trop rapidement. C'est vrai, ouais. Autour de nous et on sait jamais comment leur dire vraiment au revoir. D'ailleurs, je fais un gros bisou à deux Kaina, une qui est aux États-Unis et une qui est en Algérie, qui me soutiennent à fond sur les réseaux sociaux et voilà, donc trop mignon. C'est des Kaina du bout du monde, elles tweetent toute la journée. Voilà, je remercie d'ailleurs. Je peux pas tous les citer, mais ils sont là. Je les ai, enfin, c'est mes cyber friends, tu vois. Ils sont là, ils sont derrière leur smartphone à booster toute la journée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir avec moi. Et chacun d'entre vous là dans le studio, merci pour tout et je vous vois et merci pour le soutien. Voilà. Allez, on écoute ce morceau maintenant. Mon Paradis, Kaina Samet sur Skyrock. Merci. Oh là là là là là. Le clip est dispo sur ma chaîne YouTube. C'était une belle journée de soleil. On marchait sur la promenade des Anglais. Petite fille, je pourrais sauter dans tes bras. À la sortie de l'école, dans mon rêve, j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille. Et je pensais pouvoir toucher les étoiles. Là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a vu d'eau. Approchant le paradis, t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix, repose en paix. Dans nos rêves, je me souviens de chaque sapin de Noël. Être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. De ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Près de moi, j'ai ta voix qui m'aime. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid, et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a vu d'eau. En bougeant le paradis t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester forte. Papa, repose en paix, repose. c'est ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. J'ai rêvé que je te sais. La team Kaina Samet, dont une partie de l'équipe est dans le studio. Oh là là. Et qu'on entend. Sinon, l'autre agit bien aussi, hein, parce qu'on cartonne sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Continuez. Merci à tous, merci à tous. Je lis les messages et franchement, je suis bouleversée. Et le portable, je peux dire que c'est n'importe quoi. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de sonner. Alors, je m'en occuperai tout à l'heure. Tout à l'heure, on va s'en occuper juste en sortant de l'émission. C'est plaisir. 0666. 31 92 44. Bravo Fred. Ça rentre. Ça travaille la mémoire en même temps. Ah oui, tu peux plus le passer en vibreur en fait. Tellement ça sonne le truc. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Kaina, merci pour cette première belle soirée. Merci à toi Fred. Tu vas être là tous les soirs et juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Salut Nawel de Miramas. Oui, allô. Ça va bien? Ça va, bien. Bah, je te présente Kaina, c'est notre invitée. Salut Nawel. Salut Kaina. De Miramas. De Miramas, oui, dans le sud. C'est près de... Cool, c'est ça, près de Marseille. Près de Marseille. Il a pas fait beau, à ce qui paraît, chez vous ouais, aujourd'hui. Il paraît. Non, il a plus que la journée, il fait pas c'est beau. C'est ce que j'ai vu, ouais. Oh, nous, on a eu un de 7 ans. Ah ouais, franchement, on s'est roulé dans l'herbe. J'en ai chopé un truc rouge là. Ouais. Ça s'appelle un coup de soleil. Un coup de soleil que je me suis chopé aujourd'hui, je peux dire, c'est violent. Nawel, prête à faire tourner, on y va, c'est parti. Ouais, je suis prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Ça va. Et la roulette va s'arrêter pour toi, Nawel, sur la case. Non pas une ni deux, mais quatre places pour aller au ciné gratos voir Godzilla, le film événement qui fait un véritable carton, le film Skyrock. Ouais, c'est pour toi, il y a quatre places de ciné, Nawel. Super, super, merci. Et bah, je te fais des bisous. Merci. Oui, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Donc une petite dédicace à mes parents, à ma soeur qui sont en train de m'écouter, mes cousins, mes cousines, ma grand-mère, et à toutes mes copines, Anne, Yasmina, Juki et la meilleure, voilà. Eh ben ça roule, bisous, passe une belle soirée. Bon, bisous, bon bisous. Nawel. Merci équipe. Merci. À bientôt, salut. Merci Kaina, à toi aussi. Merci Fred, c'était un plaisir, donc toujours. On commence la semaine ensemble. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus jusqu'ici, merci à tous qui ont fait le message. Je rappelle que l'album, on peut le précommander maintenant, ouais. Et vous avez le morceau Mon Paradis, le morceau avec Sopra, ouais. Bousillé aussi qui est là, qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est le moment jamais de précommander l'album de Kaina tout de voilà, suite. Voilà, le titre Mon Paradis aussi est dispo sur iTunes, le clip est sur ma chaîne YouTube. On rappelle, le numéro de téléphone, c'est le 06 66 31 92 44. Et je rappelle aussi le concours Facebook. Donc, pour venir vendredi chanter avec Kaina. Voilà, vous allez sur ma chaîne YouTube officielle, vous prenez l'instru de Mon Paradis qui est disponible dans la soirée. Avec les paroles, qu'on va poster aussi sur Facebook. Vous faites votre petit show, un couplet, un refrain, vous nous envoyez ça à l'adresse je concours au singulier kainasamet@gmail.com. Et moi, je vais regarder ça toute la semaine et vendredi, on sera ensemble pour chanter en guitare-voix, ça va être top. Et tous les soirs aussi de la semaine. Merci vraiment, Kaina. Merci à toi, Fred. Je te laisse répondre, cool. T'as du boulot ce soir. Ouais, t'es pas couché. Ouais. T'es pas couché. Et là, on va retrouver D-Fool maintenant, toute l'équipe est là aussi. Et après, il faudra changer de téléphone aussi. Tu m'étonnes. Il y a un moment, ouais. Clair. Merci Kaina. Et merci Difou. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. Hein. Bah, ça a l'air. Plaisir de te réentendre. Oui, t'as l'air en pleine forme. Ouais, écoute, t'attends mieux. C'est le cas avec ce beau temps, l'album qui sort. Et puis voilà, je suis avec Fred et l'équipe, donc c'est cool. Et en plus, ça va durer toute la semaine. C'est ça, ouais. Ça a pris du plaisir aujourd'hui, mais ça va continuer demain, après-demain, jeudi et vendredi. Et ouais. Toute la semaine. C'est la semaine. Oui. C'est la semaine. Voilà. C'est ça, bravo Difou. Super. Merci Kaina, on te fait un gros bisou. Merci à vous, gros bisous à demain. Et on sera de demain, juste avant 20h pour Planète Rap avec toi, Fredo aussi. Exact, de retour. Voilà, c'est, on peut dire c'est le duo de choc de la semaine. C'est ça. C'est ça. Ça peut être le duo de choc. Voilà, et la team derrière en plus. Ah ouais, elle est là, la team. Montrez à Difool comment vous êtes puissant, ma team. Allez-y, la team. Elle est là, la team. Il y a les yu-yu qui sont sortis aussi. Donc, les yu-yu sont sortis. Il y en a un, il a sorti une belle bouca. Demain, juste avant 20h, le retour. Allez, bonne soirée. Et bonne soirée à toi, bonne Merci. Soirée à vous tous et à vous toutes. Et bienvenue sur Skyrock, c'est parti pour la radio libre tout de suite. On vous retrouve au 01 53 40 30 20. Vous voulez passer en direct, et bien vous nous laissez vos messages. Vous nous appelez, on est là jusqu'à minuit et on démarre avec Chris Cab dans une minute là. A tout de suite. A toutes. A tous.